Annexe 3. La liaison. Faire une liaison, c'est prononcer la consonne finale écrite d'un mot avec le son vocalique du mot suivant. Par exemple, on arrive. On se termine par la consonne N. Arrive commence par la voyelle A. On fait la liaison et on prononce on arrive. On fait la liaison avec les mots qui commencent par une voyelle ou par un H muet. Nous écoutons. Vous habitez. En général, on prononce les liaisons Z. Vous allez. Les Espagnols. N. En Europe. T. Cet immeuble. Il y a des liaisons obligatoires, des liaisons interdites et des liaisons facultatives. Les liaisons obligatoires. On doit faire la liaison entre les pronoms sujets on, nous, vous, il et elle et le verbe. On arrive. Nous avons fini. Vous êtes partis. Ils aiment parler. Elles habitent ici. Entre les pronoms sujets et les pronoms compléments, en et i. On en veut. Vous en prenez. Nous y allons. Entre les pronoms compléments, en, les, nous et vous, et le verbe. J'en ai. On les invite. Tu nous aides un peu? Ils vous attendent. Entre le déterminant et le nom. Mes amis. Cet immeuble. Un euro. Entre l'adjectif et le nom. Un grand hôpital. Un petit homme. Les nouveaux appartements. Quelques artistes. Entre l'adverbe et l'adjectif. C'est très important. C'est plus agréable. Il est moins intéressant. Entre la préposition et le mot suivant. Chez elle. Il parle aux étudiants. En hiver. Dans les noms composés, les groupes fixes. Les Nations Unies. Les Champs-Élysées. De moins en moins. Tout à l'heure. Entre la conjonction « quand » et un pronom sujet ou un déterminant. Quand il fait beau. Quand un avion part. Les liaisons interdites. On ne doit pas faire la liaison entre le nom sujet et le verbe. Les gens entrent dans la salle. Entre « et le mot qui suit. Ils sont nombreux et intéressés. Et alors? Avec un mot qui commence avec H aspiré. En haut. Au hall. Les liaisons facultatives. Si on fait une liaison qui n'est pas obligatoire, le niveau de langue est plus formel. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Nous avons écrit. Nous avons écrit.